بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, on va faire court, inshallah ta'ala, on va voir un hadith. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les trois hadiths qui viennent après sont sur un autre sujet. Mais on est toujours dans l'incitation à l'apprentissage de la science. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa fi sahihayn, an Abi Hurayrata radiyallahu an, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal, ma nahaytukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum, fa'innama halaka man kana qablakum bikathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. C'est une autre version. Et donc dans Sahihain, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je vous ai interdit, alors ijtanibou. Ça veut dire quoi ijtanibou? Éloignez-vous. C'est pas seulement délaisser, c'est le fait de s'en éloigner aussi. Et ce que je vous ai interdit, alors faites-le en fonction de vos capacités. Car certes, ce qui a rendu les peuples d'avant vous dans la perdition sont leurs nombreuses questions et le fait qu'ils contredisent les ordres, qu'ils contredisent leurs prophètes. Ayo al-Ikhwa, هذا الحديث يدخل تحته ما لا يحصى من الأحكام الشرعية. Il y a énormément de jugements de la législation musulmane qui rentrent dans ce hadith. Et les savants nous disent de façon indénombrable. Pourquoi? Parce que ce hadith فيه الأمر والنهي. Il y a dans ce hadith ce qui concerne les ordres et les interdits. Et donc, à chaque fois qu'on va voir un sujet qui est lié à un ordre ou un interdit, on va revenir à ce hadith. À chaque fois. Un ordre ou un interdit. Dans la législation, on revient à ce hadith. لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهِيِ. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la distinction d'entre les obligations et les interdictions. فَأَمَّا الْمَنْهِيَاتِ فَقَالَ فَجْتَنِبُوا. Concernant les interdictions, il a dit éloignez-vous-en. يعني تجعل المنهي في مكان وأنت في مكان آخر. Tu mets l'interdiction à un endroit et toi tu es ailleurs. Tu ne dois pas t'approcher de cette interdiction, sans quoi tu vas tomber dedans. Et donc, non seulement tu dois délaisser cette interdiction, mais en plus de ça, tu dois t'en éloigner. هَذَا فِي حَالَ الْمَنْهِيَاتِ أَمَّا فِي الْمَأْمُورَاتِ. Concernant les ordres, فَعَلَّقَهُ الشَّارِعُ بِالْإِسْتِطَاعِ. Alors le législateur, il a lié les ordres à la capacité. رَحْمَةً بِنَا. Et tout ça en miséricorde pour nous. C'est-à-dire, parfois certaines personnes, ils ont du mal à comprendre cette distinction entre les deux. Un fumeur, qu'on lui dit, yahi, ittaqillah, il faut que tu délaisses la cigarette, etc. Et il te dit, non, j'arrive pas. Inch'Allah, je vais y aller, je vais le faire, Inch'Allah, je vais réussir à délaisser. Il va te dire, petit à petit, ou alors je me suis donné 2 ans, je me suis donné tant de temps, etc., etc. On va lui dire, non. Là, ça, ce n'est pas un sujet lié à l'istita'a. Ce n'est pas lié à la capacité, parce que là, tu es dans une interdiction. Tu n'es pas dans un ordre. Un ordre, ça demande que tu fasses quelque chose. Par contre, une interdiction, ça ne te demande pas, ça ne te demande pas donc une capacité d'éviter d'aller acheter des cigarettes, de les mettre dans ta poche, de fouiller dans ta poche, de reprendre la cigarette, de l'allumer, de la mettre dans ta bouche. En fait, c'est plus difficile pour toi de faire tout ça que de ne pas acheter directement. Et donc, les interdictions ne sont pas liées à la capacité. Tu ne peux pas nous dire « je ne peux pas ». Non, c'est interdit, tu délaisses tout de suite. C'est ça, Rouhal Iman, c'est ça la foi. La force de la foi du croyant. C'est interdit, il délaisse tout de suite. Fejtanibou. Par contre, l'ordre, on va lui dire « va prier ». Il va nous dire « ah, je peux pas, j'ai pas... » Il va me dire « j'ai pas mes ablutions ». Ou alors, on va lui dire « fais tes ablutions ». Il va te dire « je connais pas encore, je sais pas comment faire la Fatiha ». Il sait pas comment rester la Fatiha. Est-ce qu'on lui dit « tu pries pas » ou on lui dit « tu pries quand même » ?« Tu pries, tu pries. » On lui dit « tu pries quand même ». Et tu remplaces le Fatiha par « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » comme dans le hadith. Et donc, on comprend clairement ici que c'est lié à l'istita'a, à les ordres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit sallu qa'iman ou salli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa 'ala janb. Prie debout. Si tu n'en as pas la capacité, alors assis, et si tu n'en as pas la capacité, alors sur le côté. Et donc on comprend que concernant les ordres, al ibadat ayyuha al ikhwa, la taskutu bil 'ajzi 'an ba'di shurutiha aw arkaniha. Les actes d'adoration, l'obligation d'accomplissement de l'acte d'adoration ne tombe pas par le fait que la personne n'a pas la capacité d'accomplir certaines conditions ou certains piliers. La personne qui doit prier, tu dois prier. Tu viens, tu nous dis, les frères, il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau dans tout Villerue. Luxembourg, tu vas partout, il n'y a plus d'eau. Est-ce que l'obligation, elle tombe? Non. Tayammum. Il y a un frère qui vient, il nous dit, ouais, mais moi, anakuntu junuban. Moi, j'étais junub, il faut que je fasse le roussel. On va lui dire, kezalika tatayammum. Kezalika, toi aussi, tu fais tayammum. Il y a un frère qui vient et dit, moi, non seulement j'étais junub, mais en plus de ça, je suis malade, j'ai des problèmes d'urine. J'ai des fuites d'urine. On va lui dire, kezalika, anta tatayammum, wa tatanazzaf. Ala hasbastita'atik, tu fais le tayammum, tu te nettoies en fonction de tes capacités et tu pries. L'obligation, elle ne va pas tomber. Elle ne va pas partir. Elle est là. Il faut que tu pries. Sauf si, yurma alik, si tu t'évanouis, hein, si tu, donc, tu perds la raison, etc. Tu as la raison. En plein combat, il est là, deux armées qui sont en train de se battre. Il faut prier. L'obligation, elle ne tombe pas. Mais tu l'as fait en fonction de tes capacités. Et donc, on fait la distinction entre les obligations et les ordres. La capacité, c'est quelque chose qui concerne les obligations. Concernant un interdit, tu ne peux pas dire « Non, je ne peux pas. » Wakadhalika, أيها الإخوة قد يقول البعض ولكن ما علاقة هذا الحديث بالباب. Certains peuvent se demander quel est le lien qu'il y a entre ce hadith et le chapitre, l'incitation à l'apprentissage de la science. Eh bien, les frères, il est important que حينما تطلب العلم يجب عليك أن تكون متقيا. Quand tu étudies la science, quand tu apprends, il est obligatoire d'être pieux. Tu apprends la science afin de la mémoriser et de ne pas œuvrer avec. Non, الآن علمت أن هذا الأمر محرم فاجتنبه. Maintenant tu as étudié, tu as appris que tel sujet est interdit. Alors éloigne-toi-en. Voilà la raison pour laquelle tu étudies la science, c'est pour œuvrer avec. وتعلمت أن هذه الصلاة في المسجد واجبة عليك. Tu as appris que cette prière à la mosquée elle est obligatoire. Alors fais-le. اعمل بعلمك. Œuvre avec ta science. وكذلك min alaqati hadha al hadith bil bab ma yati ba'dahu. Et aussi, donc, parmi les éléments qui montrent le lien de ce hadith avec le chapitre, ce qui suit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati masailihim. Certes, les gens qui étaient avant vous sont tombés dans la perdition par leur grand nombre de questions. Ma huwa al murad huna? Ayyuha al ikhwa, laysa al murad bi hadha al kalam annahu la yajuz lana an nas'al. Il n'est pas voulu ici qu'il ne nous ait pas permis d'interroger, de demander. Bal hadha matlubun fi shara. Mais cela c'est recommandé dans la législation, même parfois obligatoire que tu demandes lorsque tu ne sais pas. Fas-su'al min ajli al-ma'rifa al-isti'lam hadha amrun mamdouh. La question afin de connaître, afin de chercher à savoir comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est louable. Walakin at-tanattu' fi dhalika madhmum. Cependant, l'exagération dans cela, c'est blâmable. Al-as'ila allati ta'ti bi at-tashaddud. Al-gharaduha at-tashaddud. Les questions qui sont posées pour ramener des difficultés. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit inna Allah farada alaykum al-hajj fa hajju. Certes, Allah vous a rendu obligatoire le hajj, alors faites le hajj, faites le pèlerinage. Il a dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites le pèlerinage. À ce moment-là, on comprend que le pèlerinage, il est obligatoire. Et là, il y a un homme qui dit kulli am ya rasul Allah. Il pose une question, est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Le prophète, il n'a pas répondu. Kulli am ya rasul Allah, il répète encore. Kulli am, est-ce que c'est chaque année au messager d'Allah? Et encore une troisième fois, le prophète, il dit law kuntu na'am li wajabat. Si j'avais dit oui, ce serait devenu obligatoire. Walam mastata'tum, et vous n'aurez pas réussi. Et donc il a montré tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette question là la yanbari. C'est pas convenable. Cela nous rappelle aussi donc la situation des Juifs lorsque Moussa leur a dit inna Allah ya'murukum an tadhbahu bakara. Certes, Allah vous ordonne d'égorger une vache, n'importe quelle vache. Ta'tuna biha tadhbahunaha wa intaha al-amr. Vous venez avec cette vache, vous l'égorgez et c'est terminé. Ah, ils ont demandé l'awsaf, wa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnaha, etc. Fashaddadu 'ala anfusihim. Eux-mêmes, ils se sont mis des difficultés. Demande à ton Seigneur de nous informer concernant sa couleur. Demande à ton Seigneur de nous informer comment elle est, etc. Eux-mêmes, ils se sont mis des difficultés. Alors qu'à la base, c'était n'importe quelle vache. Les ulama, ils nous disent « Shaddadu ala anfusihim, fashaddadallahu alayhim. » Ils ont été durs envers eux-mêmes, alors Allah a été dur avec eux. Il a rendu les choses difficiles. Et donc nous, ô communauté, ô chers frères, il faut qu'on fasse attention aux questions qu'on pose. « Wa kadhalika al-as'ila allati al-gharadu minha » Wad' al-mas'oul fil haraj. Les questions dont ce qui est voulu par celle-ci, c'est le fait de mettre la personne qui est interrogée dans la gêne. Aw izhar 'ilm as-sa'il. Ou alors que la personne qui interroge, elle veut montrer qu'elle a de la science en posant une question un peu compliquée, etc. Les ulama disent tout cela c'est blâmable. Tout cela c'est interdit. Et donc il faut qu'on fasse attention aux chers frères, aux questions qu'on pose. Mais sinon, les questions dans la législation, c'est donc louable. Et cela, c'est beaucoup produit dans la Sunna et aussi même dans le Coran. Yas'alunaka 'anil ahilla. Ils t'interrogent concernant les positions lunaires. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ils t'interrogent concernant les menstrues. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Ils t'interrogent concernant l'alcool et les jeux de hasard, etc. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondait, il attendait la révélation, il répondait, etc., etc. Et donc, les questions pour chercher à comprendre sa religion. Tu veux apprendre ta religion? Naam, apprends. Tu as des questions profitables? Pose-les. Mais par contre, l'exagération, comme l'exemple que j'avais déjà donné dans cette mosquée, quel est l'arbre, du moins, quel est le fruit défendu? Est-ce que c'était une pomme? Est-ce que c'était une pomme? Et donc, nous, on ne peut pas savoir si c'était une pomme ou si ce n'est pas une pomme. Et la question, en réalité, sur ce sujet, elle n'a pas d'utilité. Pourquoi? لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى أَخْبَرَنَا بِكُلِّ مَا يَنْفَعُنَا. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a déjà informé de tout ce qui nous est profitable. فَمَا لَمْ يَنْفَعْنَا فَلَمْ يُخْبِرْنَا بِهِ. Et donc, ce qui ne nous est pas profitable, il ne nous a pas informé, on n'a pas besoin. Si on en avait besoin, Allah tabaraka wa ta'ala nous en aurait informé. Voilà pourquoi les savants du tafsir, ici dans ce sujet, ils te disent شَجَرَا مُعَيَّنَا لَمْ يُخْبِرْنَا اللَّهُ بِهَا لِعَدَمِ حَجَتِنَا إِلِهَا إِلَى مَعْرِفَتِهَا. C'est un arbre spécifique. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous en a pas informé parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc ici, ce n'est pas à nous venir demander débattre. Ah oui, pomme, non. Pourquoi tu vas débattre là-dessus? Et donc, il faut qu'on fasse attention lorsqu'on commence à apprendre notre religion, qu'on fasse attention aux questions qu'on pose. Et surtout, parmi les causes qui ont mené les peuples à leur perte, irtilafuhum ala anbiya'ihim. Le fait que de contredire les prophètes. Le fait de contredire les prophètes. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave, ô chers frères. Et donc, il est vraiment, lorsque tu apprends la science, que tu apprends la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas dans la perdition. Ne te mets pas, iyak, ne te mets pas dans cette situation. Tu as appris, ta'allamt, wujub tibai nabi, wa wujub tibai as-sahaba, radiyallahu anhum, iyak antu khalifahum. Méfie-toi de t'opposer, de contredire ces gens-là. Tu as appris que maintenant, il était obligatoire de les suivre, le prophète et les compagnons, radiyallahu anhum. Et donc, on doit faire attention à cela. Barakallahu fikum. On va arrêter pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue demain. Bi-idhnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.